La vérité vous rendra libre. C'est une phrase de la Bible de Jésus-Christ et je vais utiliser cette phrase après les conseils d'un ami, Matthieu, pour révéler tous les secrets sur le maître Omra Mikhaïla Ivanov et sur la Fraternité Blanche Universelle. En tout cas, celle de la France, celle du Bonfin, à Fréjus, à côté du Capitou. À l'origine, j'avais fait un ouvrage qui était un cadeau pour un ami, ce fameux Matthieu, qui s'intéressait à la Fraternité Blanche Universelle et à Omram, donc j'ai voulu lui révéler un peu tout ce qui se passait là-bas, de bien et de mal. Et le hasard a fait que ce livre a un petit peu circulé et j'ai eu affaire à des gens de la Fraternité qui ont réagi d'une façon odieuse, noire, diabolique, arrogante. Et le résultat de tout cela, c'est que j'ai décidé de faire cet ouvrage. Donc là, maintenant, je fais une introduction, on va dire, au travail général, pour que vous puissiez comprendre, que je vais mettre sur Internet. Alors qu'à l'origine, j'avais fait ce livre uniquement pour Matthieu, pour qu'il puisse être informé quand il arrive au bon fin, là où il faut se méfier, là où ça peut être cool et là où c'est horrible. Et je me suis retrouvé confronté vraiment à des choses innommables. Les gens ont été prêts à insulter, moi d'abord, car je suis évidemment le diable, le monstre ignoble, puisque je dis la vérité sur certaines histoires de Maître Omram. Et aussi parce que le Maître Omram a fait des choses très regrettables, très très regrettables, et que les gens de la Fraternité n'ont pas hésité à insulter le maître du Maître Omram, c'est-à-dire le Maître Peter Donov, des pires choses et des pires crimes pour justifier un désaccord total qui a existé entre le maître Peter Donov, donc le premier maître, et son disciple qui est devenu aussi un maître, le maître Omra Mikhaïla Ivanov. Le maître Peter Donov était parfaitement au courant de la direction que le maître Omra prenait dans ses erreurs. Il lui a donc demandé de rentrer en Bulgarie pour achever sa formation, un peu comme les Jedi. Malheureusement, le maître Omram a refusé catégoriquement, a joué la carte de l'indépendance et a développé certaines pathologies très très graves. Dans ce que j'ai écrit, dans ce que j'ai enregistré, dans les écrits que j'ai faits, j'ai essayé de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je pense que les gens qui détestent la Fraternité vont trouver dans cet ouvrage de bonnes sources pour critiquer. Et c'est bien dommage, c'est bien triste. C'est bien triste parce que je n'avais pas fait ce livre dans cette idée-là. Les gens qui veulent voir en Maître Omram quelque chose de merveilleux pourront aussi trouver dans les ouvrages que j'ai décrits des choses merveilleuses sur le Maître Omram, sur ce qu'il a pu faire, sur ce qu'il a pu accomplir. Et si vous êtes un peu honnête dans l'écoute de cet ouvrage audio, vous découvrirez que j'ai témoigné avec mon cœur. J'ai témoigné avec mon cœur dans les choses merveilleuses et magnifiques. J'ai témoigné aussi avec mon cœur dans les choses horribles et démoniaques. J'ai trouvé au bon fin, donc le bon fin c'est le lieu dit de la fraternité blanche universelle, j'ai trouvé beaucoup de noirceur dès le début, beaucoup de pouvoir, beaucoup de manigances, beaucoup de choses très très très tordues, très très négatives. Ceci étant, le maître Omram n'est pas la fraternité blanche universelle. Il était à la tête de la fraternité, et il y a beaucoup de gens qui ont voulu diviniser cet être et lui substituer sa nature humaine en nature divine. Évidemment, comme ce n'est pas la réalité, ben le maître Omram, il fait aussi pipi, caca, et ainsi de suite. Enfin, c'est un être humain, il dort, il a peur, il est triste, il est heureux, c'est un être humain. Et les gens ont voulu inventer que le maître Omram n'était pas un être humain. Ceci a poussé la fraternité blanche universelle à glisser dans un délire assez horrible, loin de la réalité, et je dirais même que cela a poussé le maître Omram lui-même à se glisser dans des erreurs très graves, qui ont été aussi poussés par la croyance de la fraternité. Je ne vais pas par là déresponsabiliser le maître Abraham sur certaines choses qu'il a faites, mais en même temps, c'est un danger qui existe, toujours. Cette glissade vers quelque chose où finalement on se demande qui est le plus royaliste, le roi ou la cour qui est autour du roi. Personnellement, parce que j'enseigne aussi des choses spirituelles, j'ai eu des élèves qui m'ont dit « Nous savons qui tu es. Tu es la réincarnation de Jésus-Christ. » Et ces gens-là, j'ai été bien obligé de leur dire la vérité. En réalité, je suis Dieu. Non, je plaisante. En réalité, je dis non, je ne suis pas la réincarnation de Jésus-Christ. Mais en disant cela, eh bien, c'était un réseau que j'avais créé en Belgique avec des élèves qui chaque année venaient de plus en plus nombreux. Donc la première année, j'avais 3 élèves. La deuxième année, j'avais une quinzaine d'élèves. La troisième année, il y avait 40 élèves. À la fin de ce stage de 40 élèves, les élèves me disent « Tu es la réincarnation de Jésus ». Je sais très bien que quand je dis non, je perds mes 3 ans de travail. Le réseau est détruit, c'est fini, c'est terminé. Parce que je vais les décevoir en ne cédant pas à ce chantage. Je suis Jésus. Et évidemment, il y a une fille qui s'est levée et qui, à un moment, dans la déclaration que j'étais Jésus, s'est levée en disant « Oui, je savais toujours que je rencontrerais Jésus. » Elle a bondi de sa chaise, elle dit « Mon Jésus !» en écartant ses bras. Puis ensuite, debout, en me regardant, elle dit « Mais alors, si tu es Jésus et que je suis là, qui suis-je moi-même ?» Eh ben voilà, on se fait un petit marché. Moi, je suis Jésus, toi, t'es Saint-Pierre. Allez, hop, on roule ensemble, c'est parti pour une nouvelle secte. Donc, le jeu d'être branché sur une certaine spiritualité et en même temps d'être fort et stable pour ne pas céder sur un certain chantage, c'est très difficile. Il faut être très fort, il faut être très stable. J'ai eu la chance dans ma vie d'être patron, j'ai eu la chance d'être un leader d'arts martiaux, j'ai eu la chance de guider pas mal de choses et donc d'apprendre à gérer le pouvoir en général et de ne pas se faire basculer par le pouvoir. Et c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en français qui existent contre la spiritualité, contre les sectes. Et en fait, on a mis la secte en amalgame avec la spiritualité. Et moi, je crois que la secte, elle n'est pas liée à la spiritualité. Je crois que la secte, elle est liée au pouvoir. Parce que quand on commence à attribuer à des gens des pouvoirs magiques, je vois actuellement... j'ai oublié son nom, j'en parlerai plus tard dans le livre... Olivier Martin, par exemple, qui se fait appeler je ne sais plus trop comment, qui croit être la réincarnation de Maître Abraham, de Maître Peter, de Nov et de Jésus et de Taras Bulba en même temps. Oui, bien sûr, c'est un résultat de la spiritualité, mais c'est surtout un résultat du pouvoir qu'on attribue à des gens qui n'ont pas ce pouvoir. Et après, pour assumer un pouvoir qu'ils n'ont pas, il ne reste plus que la schizophrénie, la mythomanie, la folie. Par ailleurs, quand je vois certaines personnes, j'ai oublié son nom, un homme très très riche, on a calculé que pour dépenser tout l'argent qu'il a, c'est un homme très riche, un homme d'affaires très riche, tout l'argent qu'il a, il lui faudrait 5000 ans. Pour dépenser l'argent qu'il dépense actuellement au rythme où il le dépense journalièrement, il lui faudrait 5000 ans. Ce monsieur a 60 ans et tous les jours il part gagner encore plus d'argent. Il est lui aussi fou, il n'est pas plus fou qu'un Olivier Martin, que tous les gens qui sont affublés d'une histoire qui les dépasse totalement à un moment. C'est la même chose pour les hommes politiques, c'est la même chose. Je pense qu'une secte de l'intérieur n'est jamais une secte. Ni un parti politique, ni une équipe de foot, ni une école spirituelle, ni que sais-je, n'importe quoi que vous pourriez inventer. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les arts martiaux et dans le karaté. Et dans le karaté, il y a un style de karaté particulier. Et les gens de ce karaté-là racontaient toujours que les autres karatékas, c'était rien. Il n'y a qu'eux qui connaissaient le vrai karaté, bien entendu. Et quand on s'affuble de ça, ben moi, j'ai vu, après la mort du maître de karaté, qui s'appelait le maître Murakami Tetsuji, un jour, il commençait à parler de maître Murakami comme un dieu. Or, moi, j'ai déjà vu le maître Murakami Tetsuji qui avait mal dormi et qui pétait le nez de deux ou trois personnes en faisant des techniques, et le mec, paf, nez pété, pissait le sang, parce qu'il avait mal dormi. Parce qu'il avait dormi dans un mauvais hôtel. Et quand ils ont commencé à parler de Maître Murakami Tetsuji en disant que c'était un dieu, je me souviens, dans une réunion, j'aurais dit, attendez, moi je suis beaucoup plus que le Maître Murakami Tetsuji. Alors, on m'a regardé avec le crime absolu. Puis après j'ai expliqué, j'ai dit, attendez, sur ces techniques, ces Zenkutsu, ces Maegiri, Yokogiri, il est beaucoup plus fort que moi. Mais moi, j'ai jamais pété le nez à quelqu'un simplement parce que j'ai mal dormi. Donc vous voyez, il y a des choses, voilà, il était très fort, et moi je suis fort sur d'autres choses, et puis on est tous des humains, et on avance sur un chemin d'intelligence et d'équilibre, sans se prendre la tête. Quand on commence à s'inventer des histoires dangereuses, c'est très très dangereux. Vous allez entendre ce que je vais expliquer, des choses que le maître Omram a fait, où vous direz c'est impossible, c'est un mensonge, c'est une connerie. Uji qui prétend à l'équilibre, il est aussi bâche que les autres. Pour autant, je dis la stricte vérité. Et pour toute personne qui veut bien écouter l'ensemble de l'histoire avec un cœur ouvert, il entendra aussi mes sentiments, mes espoirs et mes désespoirs devant les choses fantastiques et horribles que j'ai pu découvrir. Ce livre n'a ni pour but de détruire la Fraternité Blanche, peut-être détruire l'arrogance de la Fraternité Blanche universelle, oui, tout à fait. Mais autrement, l'enseignement du maître Omram, l'enseignement du maître Peter Donov, non, je n'ai aucune intention de le détruire. J'ai l'intention de le rendre humain, simple, honnête, courageux, applicable dans la réalité de la vie. En y découvrant de fantastiques capacités que le maître Omram et d'autres personnes ont développées dans leur existence et même au-delà de leur existence, et puis le côté physique humain qui fait découvrir des choses horribles. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis quelqu'un qui me suis engagé dans la spiritualité depuis toujours. Depuis toujours, j'ai étudié, j'ai pratiqué. Depuis toujours, j'ai vécu avec un corps physique, avec un cerveau, avec une paire de couilles, avec une existence, avec un cœur de courage, d'honneur et de dignité. Ceci étant, il y a des moments, quand je suis seul dans ma vie, que je n'ai personne à aimer qui m'aime, je me masturbe. Parce que j'en ai besoin, parce que je suis un être humain. Évidemment, si je dis ça, je suis un criminel. Dans la spiritualité, je suis un sous-être, parce que ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Je ne fais pas pipi, je ne fais pas caca, et ainsi de suite. Je n'ai jamais accepté ces choses-là. C'est toutes les choses que l'on peut développer et qui font de notre vie une merveilleuse aventure, avec toutes les erreurs que l'on peut développer et qui peuvent s'agrandir de plus en plus. Et pour finir, vous devez comprendre que vous allez entendre dans le futur des choses horribles sur le maître Omram, certaines choses qui sont vraiment totalement dégueulasses et que je ne peux pas pardonner. Mais vous devez comprendre que c'est parti d'une petite erreur. Puis cette petite erreur m'a enclenché dans une erreur plus grande. Et puis m'a enclenché dans une erreur encore plus grande. Puis à un moment, on fait des crimes en série ou je sais pas quoi. Mais vous devez comprendre que très souvent, au début, je sais que ça paraît très bizarre de dire ça, mais ça part d'un bon sentiment. Je ne suis ami avec personne, je ne suis pas ami avec le mensonge. Un jour, j'ai contacté la DFI, j'ai encore l'enregistrement, hein, où, de Nice, où il y avait une dame qui expliquait que les gens d'aujourd'hui, ils faisaient du channeling, ils recevaient des messages et tout. Enfin, c'est une amie qui téléphonait, qui prétendait que son frère avait des problèmes, donc elle posait des questions. Et... Donc, si vous voulez, hein, je peux l'éditer, ça, la conversation de la DFI. Ça fait froid dans l'eau aussi. Et donc, à un moment, elle explique le channeling et tout. Alors, ma copine qui joue un petit peu à la bébête, qui est au courant de rien, elle dit « Ah oui, ben alors c'est comme dans la Bible. » À la dame de la DFI, elle s'arrête. Elle dit « Ah ben non, pas du tout, ça n'a rien à voir. » Alors, elle me dit bah, « Pourquoi, je comprends pas. » Elle dit « Mais parce que ces gens-là, ils travaillent pour arriver à avoir des messages. » Tandis que dans la Bible, c'est Dieu qui a choisi les gens à qui il parlerait. Alors ma copine, elle dit « Ah, oui, d'accord. » Et donc la DFI est catholique. Alors, « Ah non, non, on n'a aucune religion. » Bande de barges. Des barges, on en trouve de partout. Des gens qui sont contre une chose ou pour une chose, on en trouve de partout. Et ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est une véritable aventure qui s'est vraiment passée, que j'ai racontée avec mon cœur, avec mon honnêteté, avec toute ma dignité, même si ce que vous allez entendre, vous allez dire, c'est impossible. Une personne humaine ne peut pas faire ça, dans le sens magique du terme. Eh bien si, le maître Mohamed a fait certaines choses qui dépassent tout ce que vous pourrez imaginer. Et malgré qu'il ait pu faire ces choses fantastiques, il a fait aussi des choses horribles. Parce qu'il est humain, qu'il s'est enfoncé dans certaines erreurs. Quant à la fraternité, elle, de définition, il faut bien reconnaître ce qu'elle est, elle est assez pourrie. Hein, parce qu'ils sont partis dans une idolâtrie. Si vous allez à Montpellier, au groupe de Montpellier, puisque les groupes de la fraternité ont des groupes un peu partout, le groupe de Montpellier, un jour, le maître Abraham, il est venu manger dans ce groupe. Ils ont encore sous vitrine l'assiette, le verre, la fourchette et le couteau que le maître Abraham a pris. C'est de l'adoration, c'est pire que dans le passé avec les Claude François ou les Beatles. Et quand on tombe dans ces exagérations délirantes, évidemment qu'on s'en sort plus. Moi, une fois, j'étais dans un groupe à Lyon, puisque je m'étais beaucoup intéressé à ça à un moment, puisque j'ai vécu au Bonfin, je connais très bien. Et j'ai vu une femme qui regardait la photo du maître Omram avec adoration, en transe totale. Et puis j'arrive derrière elle, sur son épaule, et elle se retourne, elle me dit « Regardez, il m'a souri ». Alors moi j'ai dit « Non, je vous assure, il n'a pas bougé. Hein. » Je regardais la photo, il n'a pas bougé. Voilà où on en arrive. Et quand on arrive à ces points-là, ben évidemment qu'on est prêt à n'importe quel mensonge pour cacher toute forme d'humanité d'un être. J'ai travaillé au Bonfin en tant que permanent, où je travaillais des fois 15 heures par jour pour aider, parce que j'y croyais vraiment. Et je me souviens, un jour, il y avait la cloche de midi, donc à midi, il y avait le repas, la conférence, donc je suis parti en courant pour me changer à toute vitesse, me faire beau très rapidement, parce que quand on travaille dans la boue, j'étais dans l'agriculture, l'habit blanc, c'est pas de mesure, donc il faut vite se changer, et ainsi de suite. J'arrive dans la grande salle pour arriver, pour écouter, pour le repas et la conférence du maître, et là, il y a une gentille sœur de Suisse qui se met au travers de mon chemin, et je m'étais mal coiffé, elle me dit « Frère, vous êtes hirsute, allez vous habiller correctement. » Et je suis reparti, je me dis « Putain, je vais la payer, je vais lui tirer un coup de boule dans sa tête. » Ça, c'est le Bonfin. Et la sœur qui me dit « Vous êtes hirsute », elle ne travaille pas, hein, évidemment. Donc, en fait, on tombe dans cette caricature où les gens perdent des valeurs de société, de respect. Tout le monde est frère, tout le monde est sœur, mais sans véritable valeur de cœur et de dignité. Donc, on rencontre des choses horribles. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, médecin au Bonfin. C'est un monsieur profondément honnête. Il me dit que dans mon bureau, je ne fais jamais un faux certificat. Mais comme j'étais au Bonfin et que j'étais un frère, alors vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui venaient me voir. « Bonjour, frère Patrick. Oh, pourriez-vous me faire un papier comme quoi je suis malade pendant 3 semaines pour que je puisse rester plus longtemps à la fraternité ?» Et il me disait, moi qui ne faisais jamais de faux, à la fraternité, j'étais obligé de faire plein de faux sans arrêt. Parce que frère, sœur, et ainsi de suite. Et moi, je disais toujours, moi, on ne parlait jamais, parce que j'étais un permanent, je faisais partie du petit personnel, et quand on me disait, « Oh, frère Patrick est dans le coin », parce que il savait que j'étais très aimé avec lui, je disais, « Le docteur Truc Pachin reçoit du cabinet de 9h à midi, je faisais exprès. » Je l'ai renvoyé vers le docteur, et pas vers le frère, parce que le frère, quand il vient à la frate, c'est pour se détendre, c'est pour être avec des gens et pour pratiquer une idée, pas pour être utilisé, parce que dans une société sans limite sociale, où tout est permis, on a le droit de demander des faux à un médecin. Donc, voilà, je vais vous présenter l'ensemble de l'histoire. Et pour ceux qui veulent totalement dénigrer le maître Omram, vous pourrez certainement être très embarrassé, parce que vous allez entendre des choses très belles qu'il a faites, très très belles qu'il a faites, et qui sont vraies. Il avait développé une très grosse pathologie sur un très gros problème, Mais pour le reste, c'est resté un personnage exceptionnel, même si je n'excuse pas les horreurs qu'il a faites. Sur un sujet bien particulier. Et je suis sûr qu'à l'écoute de ceci, certains réagiront, certaines dames, je suppose, pourront réagir et m'apporter encore plus de témoignages par rapport à tout ce qui s'est passé. Le maître Amram était le disciple du maître Peter Donov, qui enseignait à Sofia, la capitale de la Bulgarie, et aux sept lacs de Rila, qui sont des endroits que je connais très bien, où j'ai été aussi vivre et découvrir. En 1937, si je me souviens bien, le maître Peter Donov a envoyé le maître Amram pour parler sur la Fraternité Blanche Universelle, parce qu'il y avait pas un marché, mais enfin un truc culturel, un rassemblement culturel où diverses personnes devaient parler de diverses choses. Et donc le frère Mikhaïl Ivanov, Mikhaïl Ivanov exactement, parce qu'après, avec le temps, il a changé son nom. Donc à ce moment-là, le frère Mikhaïl Ivanov a été envoyé en France pour parler de la Fraternité Blanche Universelle. Puis il était censé rentrer. Mais le pouvoir, les gens qui l'adoraient, grâce à l'enseignement du maître Peter Donov, lui a monté à la tête et il a refusé de rentrer en Bulgarie. Et il n'est jamais, jamais retourné en Bulgarie. Il n'a jamais remis les pieds. Et à partir de là, il a commencé à voir quelques gens autour de lui, puis de plus en plus, et puis voilà, quoi, il a eu tout un groupe qui s'est formé. Et moi, j'ai vu le bon fin à un moment avec environ 1200 personnes au repas. Depuis, ça a grandement diminué, ben parce que le maître n'est plus là, et aussi parce que les gens qui prennent les conférences du maître Amram, qui ont toutes été enregistrées, ou dactylographiées avant l'enregistrement, parce que ça a commencé en 1937, ces conférences, au lieu d'être redonnées telles quelles, à toute personne qui vient en disant, ben voilà, il y a telle ou telle conférence, allez, on prend une au hasard, hein, on en a sur 50 ou 60 ans, donc... Non, ils les sélectionnent, ils coupent tout ce qu'ils estiment mauvais, ils censurent énormément, ils contrôlent totalement. Donc en fait, aujourd'hui, le maître Amram, même dans les enregistrements, dans ce qui est donné, est complètement pris sous le pouvoir de la déification du maître Amram, puisque dès qu'il y a quelque chose... Maître Amram, il avait un sale caractère, hein. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois gueuler pour pratiquement rien. Vraiment, des fois, il se mettait en colère, il avait des rages terribles. Ben voilà, c'était un être humain avec ses qualités et ses défauts. Et évidemment, toutes ces choses-là, on les censure, hein, ben parce que le maître Amram qui est divin, il ne se met pas en colère, évidemment. C'est toujours une colère divine, c'est jamais comme un simple humain. Maintenant, il y a d'autres aspects, par exemple, la Fraternité Blanche Universelle, ou Prosveta, a été chopée à un moment... parce que le maître Amram n'a jamais touché ses droits d'auteur, alors que tous les livres de Prosveta étaient des livres qui étaient tirés des conférences de maître Amram. Donc lui n'a jamais écrit une ligne, par contre il parlait, et les gens prenaient ses enregistrements et notaient ses conférences directement pour en faire des livres. Un jour, apparemment la législation découvre que le maître Amram n'a jamais touché ses droits d'auteur, ils attaquent Prosveta en justice, d'après ce que je sais, et le maître Amram se retrouve avec une énorme somme d'argent d'arriéré pour les droits d'auteur. Il va prendre tout cet argent et il va acheter énormément de terrain tout autour du Bonfin qui existait déjà en ce temps-là, mais qui était beaucoup plus petit. Il va acheter plein de terrain pour en faire un terrain immense. Il utilise tout son argent pour acheter tout ça et il revend l'ensemble au Bonfin à un franc symbolique. C'est pas tout le monde qui se comporte comme ça. Ça fait partie des qualités du maître Amram. Et même si le maître Amram a fait des choses très regrettables, il faut se souvenir de ce qu'il a fait, de fantastique, de merveilleux et d'horrible. Et se souvenir de l'ensemble d'un être qui, le plus honnêtement possible, avec certaines graves erreurs, a essayé d'avancer vers le chemin de la lumière. C'est comme ça que j'ai voulu vous rapporter ma rencontre avec le maître Amram, sans cacher la magie qui peut choquer tous ceux qui disent « Oh, la vie, c'est juste un ensemble matérialiste ». Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais sans cacher non plus les erreurs qu'il a faites, pour que les gens sachent. J'avais fait à l'origine 15 chapitres, et puis il y a des gens du Bon Fin qui ont répondu en entendant les 15 chapitres et qui ont été absolument ignobles, il n'y a pas d'autre terme, ignobles. Et à la suite de la réponse de ces chapitres, de ces gens-là, pardon, suite au chapitre, j'ai refait deux derniers chapitres, qui étaient plus la réponse au Bon Fin. Si vous me cherchez, je vais en donner encore plus. Et c'est plus vos dents que vous allez ramasser, c'est directement vos mâchoires. Donc, les derniers chapitres sont un peu plus musclés. Ben oui, parce que quand j'ai vu les réponses ignobles que la fraternité a osé sortir pour protéger leur légende délirante d'un être divin, parfait, ça m'a vraiment énervé, parce qu'ils ont été jusqu'à dire des mensonges et des ignominies qui méritaient une réponse proportionnelle au speech. Donc voilà, j'ai donné l'ensemble. Donc je pense que tout le monde me détestera, les gens qui sont contre la spiritualité, parce que je parle de choses spirituelles fantastiques et merveilleuses, les gens qui sont pour la fraternité, qui vont me détester parce que je parle de certaines erreurs et du Bon Fin et du maître en brame, donc j'aurai tout le monde à dos. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie d'être ami avec des fanatiques, ni contre la spiritualité, ni pour la spiritualité. J'ai envie d'être ami avec des gens qui sont honnêtes, qui font de leur mieux et qui soient clairs dans leur protocole de vie. Et s'il n'y a personne qui puisse apprécier cette droiture et cette honnêteté, alors je suis seul, vivant ou mort, je suis clair avec moi-même. Ce que peu d'êtres peuvent dire. Et je n'ai jamais dit que j'étais parfait, parce que je me masturbe, parce que je suis triste, parce que je suis aveugle et que je souffre de ma cécité. J'ai passé ma vie à essayer de protéger la vie, à protéger l'honnêteté et la droiture, et je l'ai fait du mieux que je pouvais faire. Et si, lorsque je meurs, je rencontre Saint-Pierre qui me dit « Fidji, c'est pas mal, mais t'aurais pu faire mieux », je le prends, je le jette en bas du nuage, je le jette par terre sur terre, et je lui dis « Montre-moi ce que t'arrives à faire dans cette merde. Et on verra si tu t'en sors mieux que moi. » Donc, peut-être que Saint-Pierre fera mieux, peut-être moins bien, parce que pour s'en sortir d'une façon claire, dans ce monde de noirceur, de vol et de tromperie, de souffrance et de frustration, il faut être très fort. Alors j'ai essayé d'être samouraï, d'être fort, j'ai fait de mon mieux. On n'apprécie pas, mais mon témoignage n'est que honnête. Ni dans une direction d'adoration, ni dans une direction de destruction. Uniquement dans une direction de vérité. J'ai porté 20 ans de ma vie un horrible secret, et je n'aurais pas dû le porter. Je l'ai porté par honnêteté, je l'ai porté par respect, comme beaucoup d'autres de la fraternité. Et j'ai eu tort. Comme me disait mon ami Mathieu, la vérité vous rendra libre. Et je pense que mon témoignage de tout ceci aujourd'hui est un témoignage sur lequel tout le monde crachera, je suppose, mais qui au moins me rendra libre par rapport à moi-même et par rapport à mon chemin d'honnêteté. Peut-être n'aurais-je pas dû cacher ces horreurs pendant 20 ans. Peut-être n'aurais-je pas dû cacher ces trésors pendant 20 ans. Mais comment révéler cela au monde? Ce monde si limité, si subjectif vers la haine ou vers l'amour, fanatique d'un côté ou de l'autre. Comment aurais-je pu faire? Je ne sais pas. Je finis par le faire aujourd'hui, parce que je suis vieux et que ma vie n'a plus beaucoup d'importance. Ni un grand sens. J'ai juste voulu apporter une simple vérité. Puisse cette vérité éclaircir les gens dans leur chemin vers le courage, l'honneur et la dignité. What we do in life echoes in eternity. Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité ou pour l'éternité. Puisse la vérité vous rendre libre. pour moi, c'est ce qu'elle aura fait. Merci.